Règles pour la direction de l'esprit. Livre audio gratuit, œuvre philosophique de René Descartes. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.org.